Les rendez-vous de l'IRTS de Lorraine. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'IRTS, l'émission qui vous informe sur les formations, les métiers du travail social et les actualités de l'IRTS de Lorraine. Et de l'actualité, il y en a parce qu'il y a plusieurs rendez-vous portes ouvertes. Et pour en parler, bien sûr, nous accueillons en studio Nadia Kalfa. Bonjour. Bonjour. Responsable du département international. Et Kassem Jouacha, bonjour. Bonjour. Coordinateur donc, du CFA Lorraine Sud. Déjà, on est en mois de janvier, donc déjà bonne année. Comment ça se passe ? Très bien. Reprise pour nous également hier. Hein. Donc on souhaite une très bonne année, donc Nadia et moi, au nom de l'IRTS, donc tous nos collègues, tous nos partenaires, et puis en tout cas, tous ceux qui sont de près ou de loin intéressés par les métiers du travail social et les formations du travail social. Et elles sont nombreuses et ces portes ouvertes, elles arrivent très tôt. Donc ça commence dès le 10 janvier. Alors c'est quoi le principe de ces portes ouvertes, notamment à l'IRTS de Lorraine ? Alors le principe est un peu commun, mais en même temps très spécifique pour le travail social, puisque nous on a la chance d'accueillir des usagers habituels, c'est-à-dire le grand public. On a les familles, les élèves qui sont en lycée, les demandeurs d'emploi, les jeunes groupes mission locale, école de la deuxième chance, on a des adultes en reconversion. Donc on a vraiment un large public et donc on s'organise pour pouvoir accueillir chacun d'entre eux. Il faut savoir qu'on a plusieurs services et donc on a plusieurs voies d'accès. Et ça, c'est l'essentiel pour nous en ce sens où il faut que chaque personne, selon sa situation sociale, son statut social, puisse avoir un accueil qui correspond à ses attentes. On ne peut pas accueillir un lycéen qui est en train de chercher un stage ou une formation post-bac de la même manière qu'un étudiant qui est en reconversion, en réorientation, ou qu'un adulte qui est au chômage. Hein, qui se cherche et qui se dit ben moi j'avais voulu être travailleur social il y a quelques années mais aujourd'hui je suis sans emploi et je me rends compte que j'ai le droit à cette formation puisque ce sont des métiers en tension, j'insiste là-dessus. Oui. On est organisé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours qui est libre et qui peut être aussi fléché par nos soins si la personne en a besoin. En principe, on a un accueil, les personnes peuvent rencontrer les formations, donc dans chaque salle, vous aurez des responsables de formation, des apprenants avec différents statuts, donc des apprenants qui sont soit des étudiants, donc statut d'étudiant, soit des gens en situation d'emploi, contrat d'apprentissage, contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, et des professionnels, donc qui sont issus des employeurs du secteur du sanitaire, du social et du médico-social. Ensuite, on a des conférences Parcoursup. Tout au long de la journée, on en a deux, une le matin, une l'après-midi, ce qui permet aussi aux parents et aux lycéens de pouvoir comprendre comment s'inscrire sur Parcoursup quand on veut devenir travailleur social. Et ça vaut pour toutes les demandes qu'on peut faire de manière nationale. Hein. Je veux dire, la conférence, c'est pas pour dire, venez à l'IRTS de Lorraine. Devenez travailleurs sociaux, déjà, on sera ravis. Hein. On a besoin de travailleurs sociaux en France. Et allez-y. Mais nous, notre rôle, c'est, puisqu'on a une fonction aussi service public, c'est de faire en sorte que nos citoyens comprennent à quoi servent les travailleurs sociaux, quels sont les différents métiers possibles, et quelles sont les possibilités d'accès à ces métiers par le biais de la formation, puisqu'il faut avoir un diplôme d'État pour devenir travailleur social. Donc chaque salle, je vous disais, il y a un accueil spécifique avec les étudiants de la filière, avec les responsables de formation. Il y a tous les responsables d'axes. Les axes, ce sont toutes les formations, enfin toutes les disciplines qui sont enseignées de manière transversale à tous les apprenants. La sociologie, la psychologie, le droit, l'économie, voilà. Ce sont des dominantes, hein, des matières assez régaliennes qui permettent aux apprenants d'avoir au moins des dominateurs communs de connaissances. Quelle que soit la formation. Exact. Il faut un socle de connaissances commun. On ne devient pas travailleur social sans comprendre l'identité nationale, comprendre dans le sens, je le dirais, noble du terme, hein, parce que ce terme est un peu galvaudé en ce moment. Mais la citoyenneté est importante. On ne peut pas devenir travailleur social si on n'a pas cet engagement en nous, cette volonté d'eux. Donc tout ça, on va les accompagner à les interroger. Petite spécificité cette année, je salue nos partenaires. On a dans nos partenaires qui seront présents, la mission locale du Grand Nancy, parce qu'on a des jeunes qui sont suivis par les missions locales et donc qui ont besoin d'avoir des renseignements sur le financement, sur comment se préparer. Ils ne sont plus à l'école, ils ne sont plus au lycée. Donc, ils ont besoin d'accompagnement et de soutien. Donc, il y a la mission locale qui est là et on la remercie. On a la FEV, c'est une association qui œuvre à destination des étudiants. Je pense que tout le monde connaît, mais voilà, je vous laisserai mettre le sigle. Je ne connais pas exactement, mais je travaille beaucoup avec eux sur la question de l'accès à nos jeunes, à nous, pour pouvoir faire de l'aide aux devoirs, de l'accompagnement ou du soutien. Et nous avons aussi le service civique Solidarité Senior qui est là. Nadia, on a fait un petit tour déjà sur l'intérêt de ces portes ouvertes qui s'adressent donc à tout le monde, quels que soient les niveaux. Donc ces portes ouvertes, c'est sur les 5 sites de l'IRTS, c'est pas que à Nancy. Hein, tout à fait. Donc voilà, donc les premières vont démarrer donc ce samedi-ci, donc le 10 janvier, donc à Nancy, hein, donc 201 avenue Raymond Pinchard. Donc nous pourrons accueillir effectivement donc tous les candidats, donc en tout cas ceux qui se cherchent hein, également, puisque bon voilà, on renseignera donc des personnes qui effectivement ont clairement mûri leur projet, mais ceux qui sont aussi, on va dire, en plein questionnement. Donc nos missions, en tout cas à tous les collaborateurs de l'IRTS, c'est d'être sur le pont, d'être présent et surtout de répondre à toutes les interrogations possibles. Qu'elles aillent effectivement gérer des enseignements disciplinaires jusqu'au financement, en tout cas des allègements, des dispenses en fonction des parcours de chacun, chacune. Voilà, donc c'est de 10h jusqu'à 17h, donc c'est toute la journée ce samedi, donc 10 janvier à Nancy. On réitérera, on va dire, nos portes ouvertes sur d'autres sites, effectivement, donc le 17, donc la semaine d'après, donc il y a Le Bon-Saint-Martin, donc en région Moselle, hein, donc 41 avenue de la Liberté, sur les mêmes horaires de 10h à 17h. Ensuite, à Longwy, donc le 31 janvier, à Taon, donc le 7 février, et à Verdun également, donc sur la même journée du 7 février. Voilà, donc je vous laisserai le soin. En tout cas, je vous remercie la Radio Fagette donc de mettre également, je dirais, sur votre site, donc les flyers, donc sur lesquels vous avez toutes les informations et également le QR code qui vous permettra justement de pouvoir aller naviguer sur notre site internet et également, je dirais, de prendre connaissance donc des flyers sur lesquels vous avez en tout cas toutes les informations concernant les lieux, adresses, etc. et horaires également, parce qu'ils diffèrent d'un site à l'autre pour ces journées importantes pour nous. Bien sûr, et le www.irts-lorraine.fr, merci. Évidemment. Merci. Et quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui souhaiteraient venir, osent pas ou voilà, s'interrogent de venir? Déjà de pousser la porte, c'est vraiment le premier contact. Ah oui, oui. Moi je pense que étant donné le contexte social de notre pays, encore une fois, je sans vouloir radoter, je pense que c'est important que, il faut radoter. Que toutes les personnes qui ont envie de savoir à quoi servent les travailleurs sociaux devraient être là. C'est-à-dire que moi, j'encourage même par exemple, on a des lycéens, il y a un camarade qui a envie de devenir travailleur social, eh ben, qu'il se fasse accompagner par ses camarades, parce que même s'ils n'ont pas envie de devenir travailleur social, moi j'ai envie que nos concitoyens jeunes, qui sont en devenir adultes, comprennent à quoi on comprennent qu'à tout moment, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment de la vie, on peut avoir besoin d'un travailleur social. Il faut se retirer l'idée travailleur social égale CASOS. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un CASOS? J'invite chacun d'entre vous à essayer de creuser la question. Parce que la petite dame ou le petit monsieur qui vient de se casser le col du fémur, on en a eu quelques-uns ces deux derniers mois, qui sont rentrés donc en maison de retraite, n'avaient pas prévu de rentrer en maison de retraite en 2026, mais ils ne peuvent plus retourner chez eux. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la capacité d'être tout seuls chez eux. Il y en a d'autres, on a réussi à mettre des travailleurs sociaux chez eux. Hein, donc, on a tout niveau de travail social. Hein. On a beaucoup de jeunes qui ont besoin aujourd'hui d'écoute. Hein. Je rappelle qu'il y a un plan psychologie, psychiatrie nationale pour les jeunes depuis la Covid. Et les travailleurs sociaux sont des vraies personnes ressources pour pouvoir accompagner les familles, pour les diriger vers un accompagnement psychologique ou pas. On a besoin de travailleurs sociaux dans les entreprises, on a besoin de travailleurs sociaux dans les hôpitaux, on a besoin de travailleurs sociaux dans les collectivités territoriales, dans chaque commune il y a des travailleurs sociaux. Donc à quoi ça sert, c'est tant qu'on n'en a pas besoin, on ne sait pas trop. Hein. Et puis, faut pas trop écouter ce qui se raconte ces derniers mois aussi, parce que ça, j'aurais bien voulu avoir un petit mot là-dessus, si vous permettez. Merci. Il y a quelques semaines, il y a eu un buzz avec une éducatrice spécialisée qui a rasé la tête d'un jeune garçon dans une structure. Et ça a fait le buzz et ça a remis en question plein de choses sur le travail social, sur les pratiques ou autres. Et à un moment, j'ai eu des personnes qui m'ont interrogé là-dessus. Et j'étais dans un salon où il y avait donc monsieur et madame tout le monde qui passaient sur mon stand. Et vraiment, je les ai interrogés moi aussi en leur disant, vous voyez, c'est concrètement... Est-ce que c'est en lien avec les réseaux sociaux ou en lien avec la profession de travailleur social ? Pour moi, la question, elle est claire. Quoi. La réponse, elle est claire, pardon. Je veux dire, c'est pas un travailleur social qui a dans l'idée, c'est pas dans nos pratiques de malmener les individus qui ont déjà été malmenés par la vie et qui se retrouvent dans les structures. Donc, moi, l'interrogation que j'ai, c'est, voilà, oui, c'est comment aujourd'hui tout le monde est impliqué dans le lien social et tout le monde est appliqué sur le devenir du travail social, du travail à l'hôpital, du travail à l'école. Vous voyez, c'est ça l'idée du travailleur social, c'est que les gens s'appliquent pour faire en sorte qu'on fasse société, quoi, qu'on soit ensemble. Et là où j'ai envie de faire venir du monde, c'est, je trouve que c'est important que les gens comprennent dans quelle structure on travaille, quels sont les métiers et les professions et les fonctions qu'on a, quelles sont les missions, quels sont les types de publics avec lesquels on travaille. Parce que moi, je crois qu'on a un peu régressé sur cette question-là, c'est que les gens sont persuadés que c'est vraiment à une certaine catégorie de population que ça s'adresse, le travail social. Or, voilà, on travaille avec des familles qui vont très bien, qui sont équilibrées, des familles ordinaires, mais qui ont des enfants extraordinaires. Touché par un handicap, touché par une malformation, touché par un dysfonctionnement mental. Voilà, on peut avoir plusieurs problématiques. Les gens sont tout à fait comme vous et moi. Et la vie leur a donné un enfant qui ne rentrera pas dans la norme. Voilà, dans la norme. Et ben nous, notre rôle, c'est de les accompagner tous, hein, particulièrement l'enfant, pour qu'il trouve sa place dans notre société. Et ce rendez-vous, les rendez-vous de l'IRTS, justement, permet de casser un peu ces idées reçues bien et sûr. De faire découvrir tout le panel des métiers qui existent de tout à fait, c'est bien, vous faites une belle transition pour le coup, parce que le panel des formations est large, parce que l'IRTS c'est 27 formations, dont 15 accessibles en alternance. Donc voilà, et effectivement, donc c'est pas que les enfants, hein, ça va de la petite enfance jusqu'au grand âge, hein, donc voilà, et les personnes qui aujourd'hui, voilà, ça c'est ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes qui nous écouteront, ça serait effectivement de dire venez aux portes ouvertes, venez comme vous êtes, tout simplement, clairement, puisque donc on ne devient pas travailleur social, on est social en fait, dans nos actions de la vie au quotidien, on fait tous du social, on est amené à aider des gens sans s'en rendre compte parfois, en tout cas voilà, ne serait-ce que donner un conseil à une personne qui serait en fragilité, voilà, c'est faire du social, c'est tout simplement tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, donc quelqu'un qui aurait en tout cas, on parle toujours de métier à vocation, quelqu'un qui se sentirait aller dans ces métiers-là où on communique beaucoup, où on échange beaucoup, où on débat beaucoup, et débattre, c'est ne pas se battre, clairement, donc c'est tout simplement, j'irais faire force, hein. Venez comme vous êtes, si vous êtes intéressé, curieux en tout cas, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit, voilà, j'insiste aussi. Il n'y a pas à s'inscrire. Il y aura certainement même quelques petites choses à boire et à manger, donc pour les petits, voilà, en tout cas l'année dernière c'était comme ça, pas de raison que ça change cette année, mais en tout cas voilà, venez, vous aurez en tout cas tous les sourires de nos professionnels. En tout cas, voilà, la bienveillance qu'on aura vis-à-vis des familles, puisque donc, pour l'avoir fait l'année dernière également, donc, les jeunes se cherchent. Et effectivement, donc, les parents sont là aussi, je dirais, inquiets du devenir, en tout cas, du parcours de leurs enfants. Donc, voilà, c'est des moments qui sont, on va dire, très, très, très, très, très sympathiques. Et... Moi, je voulais insister sur deux choses. C'est que il y a le service admission qui est présent. Hein, donc, il faut vraiment rappeler à tout le monde qu'il y a un système d'admission en travail social. Donc, c'est sur dossier pour ceux qui sont sur Parcoursup. Pour les autres, c'est via le service admission de City IRTS de Lorraine où il y a un formulaire. Les personnes s'inscrivent et on leur envoie un dossier à compléter. Mais il y a aussi des entretiens. C'est des entretiens qui se préparent. C'est-à-dire, on veut juste savoir qui vous êtes, comment vous vous connaissez vous-même, pour pouvoir vous dire, je vais aller vers un métier de l'humain, je vais aller vers une formation qui va me permettre d'avoir des outils, une boîte à outils, hein, on va concevoir ensemble une boîte à outils, mais je vais parler de moi et de la société, comment je me trouve dans cette société. C'est ça, hein, l'entretien, c'est qui je suis, comment je motive ce choix et par quel biais je suis arrivée là. Et peu importe son histoire, vous voyez, on a eu de magnifiques histoires. Moi, j'en ai quelques-unes à l'occasion, je les raconterai. Mais il y a des choses merveilleuses qui font que des personnes ont des déclics, hein, en devenant travailleur social. On a vraiment de tout, hein, donc ça, c'est important. Et le service admission est là pour vous accompagner et vous expliquer les différentes étapes pour être sûr que vous ayez les outils. Il y a aussi, j'avais parlé de la conférence Parcoursup, il y a aussi une conférence CFA. Ça, oui, c'est très important. Pour l'apprentissage. Voilà, pour l'apprentissage. Le CFA est là. Donc, il y aura deux temps sur chaque journée. À chaque fois, un temps matin, un temps l'après-midi, où le CFA et le service admission seront ensemble pour pouvoir vous expliquer les différentes étapes. Parce qu'au niveau de l'admission, c'est la même. Sauf que, quand on a un employeur, ça change tout. On aura bien sûr l'occasion de reparler du travail social avec des invités, mais là, l'important, c'est cette actualité. Notez bien, 7 février, Verdun ou Taon-les-Vosges. Le 31 janvier, c'est à Longwy. Le 17 janvier, c'est à Ban-Saint-Martin. Et Nancy, c'est ce 10 janvier de 10h à 17h au 201 avenue Raymond Pinchard à Nancy. Bien sûr, www.irts-lorraine.fr. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.